Est-ce qu'on va entendre là, elle sera pas sur le disque, alors attention. Attention, alors comment ça s'appelle? S'il vous plaît. C'est le moment d'enregistrement là. Oui, alors attention, grande exclusivité, un morceau qui ne sera même pas sur le disque, c'est vous dire, c'est vous dire. Ça s'appelle comment? Révolution. Révolution par Kidnap.